Le rassemblement consacré au 70e anniversaire de la fondation de la revue Femmes Coréennes a eu lieu le 5 courant. Y ont pris part Ri Il-fan, chef de département du comité central du Parti Travail de Corée, Kim Jong-sun, présidente du comité central de l'Union des Femmes, les journalistes et rédacteurs des éditions des organisations des travailleurs, ainsi que les permanents de l'Union des Femmes. L'orateur a dit notamment « Grâce aux grandes affections et confiances du président Kim Il-sung, qui a pris l'initiative de faire paraître une publication pour les femmes après la libération de la patrie et baptiser la revue sous le nom de Femmes Coréennes, le premier numéro de la revue est mis au monde le 6 septembre de l'an 35 du JT 1946. » Madame Kim Jong-sur, héroïne anti-japonaise, a veillé à ce que le magazine, depuis sa fondation, s'acquitte comme il faut de son rôle en tant que publication pour les femmes. Le général Kim Jong-il a éclairci tous les problèmes théoriques et pratiques posés dans le développement des publications révolutionnaires des femmes, comme l'amélioration du contenu et de la forme de rédaction de la revue, organe du comité central de l'Union des femmes. L'orateur a souligné que sous la direction du maréchal Kim Jong-un, la revue Femmes Coréennes connaît un nouveau tournant de son développement.